vendredi 2 novembre, pour aller plus loin. Lisez Ellen G. White, La Pentecôte, aux pages 33 à 42, dans Conquérant Pacifique. Ces libéralités de la part des croyants résultaient de l'effusion de l'esprit. Les néophytes n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Un intérêt commun les dirigeait. Le succès du mandat qui leur était confié et la cupidité ne trouvaient aucune place dans leur vie. L'amour de leurs frères et de la cause qu'ils avaient épousée était plus grande que celui de l'argent et des biens matériels. Leur œuvre attestait que le salut des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes les richesses terrestres. Il en sera toujours ainsi lorsque l'Esprit de Dieu prendra possession d'une vie. Ceux dont le cœur est rempli de l'amour du Christ suivront l'exemple du Sauveur qui se fit pauvre par amour pour nous, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. L'argent, le temps, la réputation, tous ces dons reçus de la main divine, ils les regarderont seulement comme un moyen de contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Il en était ainsi dans l'Église primitive. Lorsque dans l'Église de nos jours, on verra animés de la puissance de l'Esprit les membres détourner leur affection des choses de la terre et accepter de faire des sacrifices pour que le semblable ait la possibilité d'entendre prêcher l'Évangile, les vérités qu'ils proclament auront une puissante influence sur leur auditeur. À méditer, relisez attentivement dans la leçon de cette semaine les facteurs qui ont contribué à créer cette unité que vivait l'Église primitive. Comment, en tant qu'Église aujourd'hui, pouvons-nous faire des choses similaires? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous manque peut-être contrairement à ce qui avait lieu parmi les croyants de cette époque? En quoi ces églises du Nouveau Testament, qui donnaient une offrande généreuse pour aider les pauvres de Jérusalem, sont-elles un exemple de ce que nous devrions faire aujourd'hui? Qu'en est-il des autres questions sociales? Comment les églises locales peuvent-elles s'impliquer dans leur quartier afin de réduire la pauvreté et de subvenir aux autres besoins fondamentaux des gens? Quelles leçons peut-on retirer de la triste histoire d'Ananias et Saphira? Quelle est l'importance de l'expression qui se trouve dans Acte 5 au verset 5 et Acte 5 au verset 11 sur la grande crainte qui s'est emparée de l'Église concernant ces deux décès?